On peut dire hein, ça. Tu vas pas avoir dans, vous n'allez pas avoir d'ennui. Micro. Un café ouvert. Restaurant. Qui présente un peu l'endroit. Mais avant, moi j'ai autour de la table 4 personnes. On se retrouve dans cet endroit. Vous allez le présenter un petit peu cet endroit. On est du côté du boulevard du Souverain numéro 163. J'allais dire 136, 163. Et moi j'avais envie de donner la parole. Ben voilà, c'est grillé. Les cafés, les restaurants, en tout cas les endroits où on peut se rassembler, boire des coups, faire la fête, se marrer, se toucher, rigoler, enfin, même pleurer. Hein, des... Mais je veux dire, voilà, j'ai en face des non-essentiels. C'est comme ça qu'on vous appelle. C'est la tribu des non-essentiels. Mais on va démarrer vers ça. Et avant, une petite présentation d'ici. C'est le restaurant s'appelle le Saint-Paul, restaurant qui existe déjà depuis des dizaines d'années en soi. On peut dire une institution du paysage auderguémois. Nous, on est ici depuis 4 ans en tant que jeune indépendant. Mon frère et moi-même, nous y sommes depuis 4 ans, donc jeune indépendant dans le secteur non essentiel de l'Horeca. Voilà, un resto de burgers qui fonctionnait bien, très bien, et qui à la suite de la crise sanitaire a dû fermer. Ordre d'État, non sans une once de tristesse et maintenant plus d'incompréhension suite à tout ce qui se passe et ce qui ne se passe pas surtout. Parce que là, on est dans l'interrogation totale de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir réexercer, quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à vivre, en fait, tout simplement. À rebosser, à faire ce qu'on aimait, tout simplement. Voilà. Et comme on le disait, catégoriser de non-essentiel. Voilà. Néologisme de 2020-2021, ben, c'est nous, les non-essentiels. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est toi, parce qu'après le nous, il y en a plein d'autres. Hein. Oui, oui, clairement. C'est toi ici maintenant. Tu donnes ton prénom? Oui, bien sûr. Moi, c'est Jérôme. Pas obligé. T'es un jeune gars. Oui, jeune gars, 30 ans, dynamique, avec plein d'ambitions, enfin, qui avait plein d'ambitions, qui maintenant est un petit peu freiné par tout ce qui se passe. Mais voilà, on garde la tête haute et puis on verra ce qui se passera. On verra vers quoi on se dirigera surtout. Ton frère ? Mon frère, oui. Anthony ? Anthony, oui. Moi, c'est Anthony Cellerot, donc je suis le petit frère ici. Et tu tiens avec... Avec Jérôme et deux autres associés, le restaurant qui est ici. Donc voilà. Comme ça, on les gens captent. Toi ? Moi, c'est Patricio. Je suis un ami des frères, mais je suis dans l'Horeca aussi, mais en tant qu'ouvrier, en fait. D'accord. Et donc, je me retrouve aussi, malheureusement, sans emploi... Et maintenant, sans avenir, entre guillemets. On va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Ouais. Mais après, ce serait aussi d'entendre ce comment tu le vis, comment vous le vivez, le frère aussi, là, l'étiquette non essentielle. Quoi. À moins que vous saviez déjà que vous n'étiez pas utile avant. Bonjour, moi je m'appelle Marc, je travaille dans le milieu du spectacle. Donc mon activité principale, c'est la location, la mise à disposition donc, de matériel technique. À des télévisions, à des grandes entreprises de prestations. Et donc, mon entreprise est numéro un en Europe dans ce domaine. Et moi, je m'occupe des clients francophones. Et donc, évidemment, le spectacle, il est complètement à l'arrêt. Donc, c'est sûr que nous aussi, on est non essentiel. Je ne suis pas certain qu'être non essentiel dans ce secteur fasse en sorte que les gens aillent mieux de manière psychologique. C'est sûr que j'imagine pas qu'on puisse faire un grand concert ou des choses comme ça. Mais je pense que les cinémas, les théâtres... Il pourrait quand même ouvrir, quoi. Quand je vois les files dans les aéroports, quand je vois les files dans la rue Neuve, quand je vois les files dans les magasins, je me dis qu'une salle de spectacle où on ne bouge pas, où on est assis, et où il y a des mesures de sécurité, où il y a de l'espace entre tout le monde, je ne vois vraiment pas où est le problème, même si j'ai aucune qualification, que je ne suis pas médecin, ça c'est sûr, encore moins un virologue. Mais il y a quand même des inepties, quoi. Et donc, autant mon métier, proprement parlé, le spectacle, les concerts et tout ça, je peux comprendre que c'est un peu tôt. En disant ça, ben, je sais que moi, je serai le dernier à réouvrir, peut-être même pas en 2021. Mais c'est sûr que pour mes collègues de la culture, le théâtre, le cinéma, des choses comme ça, je ne vois pas vraiment où est le problème. En plus de ça, ce qui fait qu'on a une interrogation, c'est que personne ne nous explique ce qu'est le problème. Il n'y a pas de données scientifiques qui nous disent que dans un cinéma, quand on est bien espacé, que c'est ventilé... pourquoi est-ce que ça marche pas alors qu'on laisse les gens voyager dans des avions, quoi. Ok, dans les avions, il y a des filtres pour l'air qui est dans l'avion, il y a un circuit fermé pour l'air qui est dans l'avion, mais il y a plein de salles de cinéma qui avaient déjà ça, il y en a d'autres qui ont investi en espérant pouvoir rouvrir, et personne ne parle de ça, tout le monde s'en fout. Donc on parle toujours des magasins, des grandes chaînes, ils n'ont jamais gagné autant d'argent que maintenant, je parle de l'alimentaire évidemment, mais tous les autres, les restaurants comme nous, le spectacle comme nous, les gens qui sont comme Patricio, mon ami Patricio, qui est employé dans le RECA, qui est chef de rang, ben, il n'y a pas de RECA, ce n'est pas avec un salaire à 70% qu'on arrive à vivre. Hein. Et encore, je veux dire, 70% de quoi, hein, parce que c'est comme le droit passerelle, on a un droit passerelle, il est brut. On va être taxé sur 1 235 € qu'on reçoit par mois. Moi, j'ai un seul crédit dans ma vie, il coûte 1 050 €. Je fais comment pour vivre avec mes 1 235 ? Voilà, ben c'est ça. Donc, on est non essentiel. Et l'État se gausse de pouvoir dire, OK, ben, on vous donne des primes, on vous donne de quoi vivre. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Et encore, je pense que nous, ici, autour de la table, on est des privilégiés. Moi, je connais des tas de gens qui sont dans la mouise complète. Hein. Je viens de voir ici, en entrant, le dépanneur charismatique d'Odergame qui s'appelle Guy depuis 40 ans. Ce monsieur a toujours été indépendant. Il a dépanné des centaines de voitures, des contrats pour la police et des choses comme ça. Et ben maintenant, il va au CPS. Voilà. Il va au CPS. C'est dramatique. C'est dramatique. Il n'est plus bossé, quoi, avec le confinement. Non. Non. Et puis, ça commande d'être au CPS. Ben, il est gêné. Il est très gêné. Il me l'a dit parce que je suis proche de lui et que je m'entends bien avec lui, mais il ne le dira à personne. Il n'y a plus de contrats. Il y a moins d'activités. Les gens sortent moins. Il y a moins de voitures qui bougent. Il n'y a plus personne qui ose signer un contrat long terme avec des gens comme ça. Donc il a ponctuellement quelques dépannages à faire. Mais lui, ce n'est pas un secteur non essentiel. Il peut travailler, ce n'est pas ça. Mais rien que l'atmosphère qu'on nous impose, l'atmosphère qu'il y a dans la vie en globalité, fait que même des emplois comme ça deviennent précaires. Ça, c'est super, je trouve intéressant d'entendre que oui, psychologiquement, c'est ça que tu veux dire aussi. Hein, psychologiquement, on est tous atteints, quoi. Mais j'ai oublié ton prénom. Patricio. Toi, c'est aussi, on ne vous a pas entendu, on démarre comme ça. Non essentiel, t'as un non essentiel. C'est un non essentiel. Voilà, tu sais, voilà, tu vis ça comment, toi ? Ben, un peu comme Marc l'a expliqué, du coup, ben, moi je reçois très peu d'argent, enfin, je suis au chômage, je reçois que 1 400 €, alors qu'avec les heures que je faisais avant, ben, je gagnais bien ma vie. Maintenant, je me retrouve avec un tout petit salaire. Donc, rappelle, toi, tu te retrouves employé dans un café. Oui, un bar, on va dire. Tu te retrouves avec le confinement grillé. Grillé. Bah, en plus, ils ont fait faillite de nouveau. Donc là, je suis au chômage total, sans emploi maintenant, du coup. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour trouver du boulot, même si ça réouvre. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ça réouvre cet endroit-là ou si ça réouvre généralement ? Il y a tellement de faillites. Il va y avoir énormément de faillites, donc il va y avoir peu de postes, évidemment. Donc, je ne sais pas. Oui, énormément de monde sur le marché de l'emploi, c'est ce que j'allais dire. Et, oui, aussi ça, évidemment. Mais oui, du coup, on ne sait pas quoi faire. Et bah, moi, j'ai presque 40 ans aussi, hein, donc quelque part, ça va être moins évident. Ils vont prendre des gens plus jeunes. Enfin, je le vis assez mal. Hein. Effectivement, là, il y a beaucoup de flou dans mon avenir. Donc, on croise les doigts. Voilà, à part croiser les doigts, c'est plus rien à faire. Attendre que le gouvernement se décide à faire des choses intelligentes, et voilà. Ouais. Le frère, il est où, là ? Ouais, frère ! Tu vas pas y échapper sur le nom d'essentiel. Ok, il y aura un intervenant. Donc toi, t'as déjà donné ton avis sur le non-essentiel. Que dire ? Comment c'est vous qui menez un peu la danse sur tout ça. C'est peut-être de se dire non essentiel, oui, aujourd'hui, mais quand on va réouvrir, est-ce qu'on va devenir en fait, on va redevenir essentiel ? Ça se passe comment ? On va être qualifié de quoi ? Donc on est des anciens non essentiels redevenus essentiels parce que on va nous faire réouvrir, d'accord ? C'est super. Donc nous on va réouvrir avec quand même un petit peu d'amertume, je pense, hein, de se dire que pendant un an on a que voire plus, on nous a bien pris pour des cons. Et comme disait mon ami Patricio, moi, ce qui me fait peur, ça va être le marché de l'emploi, ça va juste être une horreur. Il y aura tous les patrons, bon, moi, je parle en tant qu'indépendant et patron, on aura juste l'embarras du choix sur le personnel. Et donc, qui dit embarras du choix sur le personnel, va dire des fixations, des barèmes salariaux qui vont être descendus, légalement ou pas légalement, hein, on est bien d'accord. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on a pu laisser se laisser faire jusqu'à. Je parle pour moi aussi parce que je fais partie de ces gens-là. Et comment est-ce qu'on n'intervient pas? Comment est-ce que l'État ne se rend pas compte qu'il est temps de prendre des décisions fortes, de dire bon maintenant, oui la santé c'est important, mais je veux dire les données. Qu'on reçoit quotidiennement, parce que maintenant c'est quotidiennement, voire heure par heure, dire ces données-là. De quelles données tu parles ? Les données sanitaires sont alarmantes, mais est-ce qu'elles sont, elles sont alarmantes au point de créer une crise qui va s'étaler sur des années ? Parce qu'on aura le résultat de tout ce qui se passe maintenant, on l'aura réellement dans 3-4 ans. Et là, je pense que là, on va se poser des questions de manière rétroactive en se disant ah, mais si on avait fait ça comme ça, ah, si on avait écouté les fédérations. Oreca, par exemple, les fédérations du milieu de ci, de là, des non-essentiels. Qu'est-ce qu'ils disent, ces fédérations ? Mais c'est non, c'est Je voudrais juste dire, c'est que nous, moi, j'ai pas l'impression qu'on entend beaucoup des gens non-essentiels parler. Ou alors je me trompe. Est-ce que vous êtes au courant ? Est-ce qu'on entend cette parole de gens que ça craint, de gens... Oui, on a entendu parler de suicides, de gens qui en ont ça claque. Vous voyez, est-ce que comment on est confronté, comment le commun des mortels est confronté à ce qui se passe moi, je pense que le plus compliqué, c'est de ne pas avoir de base par rapport à la réflexion et par rapport à ce qu'on doit vivre. À partir du moment où on sait t'expliquer, où on sait nous expliquer que le fait d'aller au restaurant, malgré les mesures prises par les restaurateurs qui sont incroyables, les panneaux de séparation, le gel, les distanciations, autant de mètres carrés par personne et ainsi de suite... Si on arrive à nous expliquer scientifiquement que malgré ça, on transmet le virus et qu'on est dangereux, alors nous, les non-essentiels de ce secteur-là, on va dire OK, parce qu'on est des gens raisonnables. La même chose pour une salle de cinéma, une salle de théâtre. Encore une fois, je répète, pour ce qui est du spectacle, je comprends, c'est complètement différent. Mais ici, quand je vois, moi je fréquente ce restaurant depuis des années, quand je vois l'infrastructure qu'ils ont mis en place, à partir du moment où on leur a dit vous pouvez ouvrir, mais à telles conditions, tout ça, ça a un coût déjà. Refermer 3 mois après ou 2 mois après, et maintenant ne pas donner de perspective d'avenir. Ils font des réunions pour dire qu'ils vont faire une réunion pour donner une date pour voir. Mais on en est où ? C'est un ridicule, c'est du comique, hein, c'est du tragicomique. Hein. Mais ça, c'est sûr, tout le monde est au courant de ça, mais peut-être pour avancer, parce qu'on va pas. C'est sûr, ben, moi qui ne suis pas dans ce domaine-là précisément, c'est complètement absurde, c'est incohérent, tout le monde est d'accord hein, autour de cette table. Qu'est-ce qui se passe en fait, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Comment ? Parce que les gens qui... Comment ? J'imagine que quand on est dans votre secteur, vous avez envie de comprendre, mais à quoi on joue ? C'est quoi ce bazar ? Ok, c'est incompréhensible, on est d'accord. Mais alors, comment vous racontez la chose ? C'est ça que j'ai peut-être mal transmis ce que je voulais dire, mais c'est ça que j'essayais de dire, c'est que comme on n'a pas de perspective claire d'ouverture, comme on n'a pas d'explication claire de fermeture, pourquoi on est fermé, tout le monde est dans le flou. Et quand on est dans le flou, ça laisse partir l'esprit dans tous les sens. On devient un peu plus idiot en regardant un peu trop Facebook. On devient un peu trop tendancieux, complotiste en s'énervant sur un gouvernement parce qu'on pense qu'ils sont tous des imbéciles, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Mais bon, voilà. Mais on n'a pas de perspective. Il n'y a rien de clair et il n'y a pas d'explication pourquoi on ne peut pas travailler. Voilà. Et ça, c'est très, très, très dérangeant. Moi, je pense que tous les gens qui sont fermés, la plupart sont des gens raisonnables. Et à partir du moment où on leur dit « Vous êtes fermés parce que vous transmettez le virus à cause de ça, ça ou ça », les gens vont comprendre. Les gens vont attendre, les gens vont mettre des plans en place. Ici, ils ont mis un takeaway qui marche très, très bien en place. Voilà. Bon, ben, nous, dans le théâtre ou dans le cinéma, ben, le type, il change son aération. Il dit « Une rangée sur deux est occupée, avec 2 sièges d'écart, ok, il remplit sa salle qu'à 1/3, mais il fait quelque chose, il fait travailler les gens, il laisse un côté psychologique ouvert à l'humain. Tandis que quand on dit tu restes à la maison, tu travailles pas, tu peux être content, t'as touché 1000 balles, ben il n'y a rien quoi, il y a zéro, c'est le néant quoi, c'est le néant. Tu dis ? C'est une camisole psychologique. On est vraiment dans ce trip-là pour le moment. C'est ce que je dis, c'est ce que Marc dit là maintenant. Pour moi, si on avait des données claires, parce que c'est ça le fond du problème. C'est là où nous, on commence à grogner de plus en plus. C'est qu'il n'y a aucune étude, quelle qu'elle soit, qui démontre que nos secteurs d'activité favorisent la propagation du virus. D'autant plus qu'on a mis vraiment en place, je pense qu'on est les secteurs. Je parle de l'horeca, je parle des coiffeurs, je parle de l'esthétique, je parle de tous les métiers dits de contact, cinéma, théâtre. Eh bien, on a tous mis en place tout un protocole sanitaire qui nous a été demandé, voire qu'on a durci nous-mêmes, parce que même nous, on était durs avec nos clients. Et je peux le dire, je l'ai vécu quand on a ouvert 3 mois sur l'année, parce qu'on a ouvert 3 mois sur l'année, quelle chance on a. On l'a vécu, on était derrière tous nos clients à dire le masque, attention, les mains, le gel. Qui a payé pour le gel? Qui a payé pour les masques? Il faut prendre ça en compte aussi. Tout cet argent investi. Et on se retrouve à devoir refermer après. On a investi de l'argent dans... Ici encore, on a trouvé un moyen. Oui, les panneaux, nous, on a encore trouvé un moyen. Les listes de contacts qu'on a dû faire, toutes ces listes de contacts qu'on a dû faire, enfin retranscrire par les personnes avec leur adresse, leur numéro de téléphone, les noms et tout ça. Ah oui, il y avait cette idée dans l'air. Ça n'a jamais servi, ça ne va jamais servir. Donc on a pris notre temps, pourquoi? Faire une belle newsletter, ça on peut faire maintenant. Oui. Comme ça on envoie de la pub à tous les clients. On a un fichier de 10 000 personnes, et on peut faire chanter des gens. Voilà ce qu'on va faire. Mais non, mais blague à part, voilà, je trouve ça complètement aberrant. On a tout mis en place et puis on nous dit, ben voilà, vous devez fermer. Mais je parle du temps qu'on a passé, je parle des remarques qu'on a prises, des clients qu'on a perdus. Parce qu'il y a des clients qui sont complètement fermés, c'est con, mais qui disent, vous faites chier, le masque ici. Ben oui, on a réouvert avec des obligations. Voilà, vous comprenez pas, désolé, ben on va pas s'entendre. On a perdu des clients, il y a des clients qui venaient plus, donc parce qu'ils voulaient pas respecter tout ça, donc ils venaient même pas. Donc on a mis tout ça en place et puis on nous dit, ben non, ben finalement, vous savez quoi? On va refermer, ça va être plus simple. Vous êtes non-essentiel. Oui, c'est ça, vous êtes non-essentiel, mais non-essentiel. C'est non-essentiel de rigoler, de se foutre une mine avec son pote dans un bar, de discuter autour d'un morceau de viande servi par quelqu'un de chaleureux, de souriant. Je veux dire, c'est la base. Je veux dire, dans tous les maisons de repos qu'il y a ici autour. Ici, on est entouré, je ne sais pas exactement pourquoi, je n'ai jamais vraiment compris, mais on est entouré de maisons de repos et de soins assez luxueuses qui coûtent assez cher. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont des moyens. Il y en a d'autres qui en ont moins, parce qu'il y a aussi une maison de repos communale gérée par le CPS qui est moins fortunée. Et ben, un restaurant comme ici, le samedi et le dimanche, c'est un restaurant qui accueillait, surtout à midi, énormément de personnes âgées. Ces gens-là sortaient de leur maison de repos, parce que comme ce sont des maisons de repos et de soins, ils ont toujours pu sortir. Ce n'est pas des maisons de repos cloisonnées, comme on voit à la télévision. C'est des gens qui habitent là, qui louent un espace. Ils sont chez eux. Et ben, tous ces gens-là, leur lien social, c'est de venir au restaurant. Et ben, comme on est non essentiel, et ben, on a coupé leur lien social. Alors leur famille ne peut pas les voir parce que ça, c'est la loi. Et eux ne peuvent pas venir ici parce qu'on est fermé. Et ben, ces gens, ils croupissent tout seuls dans leur chambre, malgré leurs moyens, malgré leur belle télévision, malgré leurs beaux endroits. Et ben, je pense que leur côté psychologique a été plus dur à gérer que leur côté financier, parce qu'ils ont des moyens. Il ne faut pas se cacher, on est dans un quartier ici où les gens ont des moyens. Il y a plein de maisons de repos et de soins qui sont correctement gérées et qui sont très jolies. Mais par contre, ces gens n'ont plus vu personne. J'adore comment tu dis correctement géré, ça on n'en sait rien. C'est un secteur où, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est un secteur où ce n'est pas toujours bien géré. Quoi. Donc, c'est mon avis en tout cas. Toi, on t'entend un peu. C'est galère, quoi. C'est galère, toi, quoi. Toi, l'épicurien, toi, surtout aussi l'épicurien du... Non, parce que ce qu'il dit pas... C'est on peut accepter quand même. Être épicurien, c'est non essentiel. Ça, on peut quand même accepter ça, quand même. Oui, ben, notre métier fait partie, quand même. Non, on peut retourner le truc. On peut dire épicurien, c'est essentiel. Le client est essentiel. Le client, tu sais, ton verre que tu venais boire de temps en temps ici... une fois tous les mois, c'est ça? Oui, on disait bien de temps en temps. Hein. t'es déjà grillé. Mais le verre, mais tu vois. J'assume qui je suis et ce que je fais, hein, que je viens tous les jours à 20h en rentrant de mon travail. Je l'assume totalement. Mais ça c'était non essentiel pour toi? C'était essentiel? Mais non, je viens exactement d'en parler, c'est le côté psychologique des choses. Voilà, par contre, je le nuance en disant, si on me prouve que cette attitude transmet le virus, amplifie la maladie, je suis prêt à m'en passer. Le problème, c'est que je n'ai pas de perspective d'ouverture et je n'ai pas de preuve comme quoi c'est à cause de ça que je suis fermé. Donc c'est ça qui me gêne. C'est ça qui me gêne. Ouais, clairement. Mais pour reprendre à cette dernière idée, il faudrait un professionnel qui vienne faire une enquête et prouver qu'il n'y a pas de problème. L'UCM, elle a commandé une étude il y a 15 jours, 3 semaines, par rapport au métier de contact. On leur a rendu un truc de 10 pages, vite fait et tout. Tout le monde a ri de ce papier en disant « ça ressemble à rien, c'est une étude de fait, il n'y a rien de scientifique et tout ça ». Ben voilà. Donc le gouvernement s'est servi de ça en disant « ben voilà, on a une étude qui dit que dans les métiers de contact, c'est dangereux et tout ça ». Ok, ben voilà, ben c'est pas scientifique, ça ressemble à rien, c'est petit. Tu l'as lu ? Non, non, pas du tout, je me base simplement, je suis un perroquet, je me base simplement sur ce que les infos ont dit, la télé a dit, les radios ont dit. Je ne l'ai pas lu, j'ai pas eu l'occasion de la lire. Mais à partir du moment où tout le monde va dans le même sens, ben je pense quand même que c'est plus ou moins clair que cette étude a servi de pare-feu pour couvrir la fermeture des commerces de contact qui, eux aussi, sont non essentiels. Mais je pense qu'il n'y a rien de scientifique. Et c'est le même débat au restaurant. Il faut m'expliquer une file à Charleroi ou à Zaventem quand on part en vacances, où les uns sont les uns sur les autres. Il faut m'expliquer là où il n'y a pas de transition, pas de transfert de virus. Il faut m'expliquer. Quoi. Dans un restaurant où on est assis, où on ne bouge pas, dans une salle de cinéma, dans une salle de théâtre, où on ne bouge pas, bah, moi, je ne comprends pas. Je pense que l'aéroport il est plus dangereux que le restaurant. Et le métier de contact. Le métier de contact avec des gants, avec un masque, avec du gel, avec une visière. Bah, je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que des études sont penchées sur ces aéroports, sur les transports en commun? Alors je veux bien, il faut des transports en commun, c'est important pour le déplacement des gens. Mais les transports en commun, il n'y a rien de pire. Je regardais ce matin un truc au JT et il expliquait, voilà, et pour la désinfection des transports en commun, on le fait une fois par jour, et on transporte combien de personnes par jour en transport en commun? 700 000 personnes. Voilà. Donc le ratio, il est quand même vite fait. Je veux dire, sur une barre, il y a plus de virus sur une barre de transport en commun que sur le sol de mes chiottes, quoi. Franchement, c'est vrai. C'est ça qui me rend dingue, moi. Alors, mettez en place quelque chose pour nous montrer à nous qu'on n'est pas fermé pour rien. Mettez en place des gens qui passent leur temps à astiquer des barres. Je suis sûr qu'il y en a qui adoreraient ça. Et aux États-Unis, ça fait sacré 100 000 emplois. 100 000 emplois. Ça, je l'ai vu. 100 000 emplois dans le métro et dans les trains américains. Ils ont créé 100 000 emplois pour frotter les gens. Vraiment? Oui, tout à fait. Mais payer des cacahuètes, évidemment. Bon, ça, je vais pas aller là. Je sais pas, j'ai pas d'info. Mais c'est pour dire que les gens, maintenant, ils sont obligés de faire des boulots de misère. Tu vois ce que je veux dire? Avec pas de sens, encore moins que d'habitude. Ça donnera du sens à notre fermeture. En fait, juste si on nous montre qu'il y a des gens qui passent leur temps à désinfecter après chaque personne, à chaque arrêt, ou alors mettre dans chaque métro, tram, et là c'est de la citoyenneté, dans chaque métro, tram, bus, mettre des gels désinfectants, et que les gens, des serviettes, et que les gens frottent après leur passage. Bon, imagine la folie. Bien sûr, oui, mais nous, ça donnerait un sens à notre fermeture. On se dirait, ah oui, ok, ils prennent quand même des putains de mesures derrière. Non, mais par contre, moi, ce que je comprends, ce que j'entends, c'est de faire une étude scientifique qui prouve que c'est peut-être plus dangereux de se promener dans le métro que venir boire un verre dans ton café. Ça, c'est intéressant, tu vois. Parce que nous, ce serait super. Voilà. Nous, on a fait ce qu'il fallait, on a mis les gels, on a mis les savons, on a fait tout ça. Ce qu'ils font pas dans les métros, dans les magasins, à part des gels. Il n'y a pas de distanciation, tout le monde bouge dans tous les sens aussi, donc je ne comprends pas pourquoi nous on est vraiment visés, je ne comprends pas. Et à force de ne pas comprendre, et à force de soulever les incohérences et le truc fou là, qu'est-ce que vous vous racontez? Le problème c'est qu'on ne se raconte plus grand-chose, parce que moi je pense qu'on est ici, en tout cas la bande ici, on est des gens pragmatiques, il n'y a personne d'irresponsable. Moi, j'ai très peur d'avoir le Covid. J'ai que 60% de capacité respiratoire. Je suis un peu trop gros. Donc, c'est sûr que je suis une bonne personne pour l'avoir. Donc, je fais hyper attention. Donc, je comprends plein de mesures. Je comprends plein de mesures que je respecte sans aucun problème. Par contre, je trouve des choses complètement débiles. Les gens sont à Arlon. Le coiffeur est fermé. Ils prennent leur voiture. Ils roulent 4 km. Ils sont au Luxembourg. Et la patronne, elle a un salon au Luxembourg et à Bruxelles. À Arlon. Elle envoie tous ses clients là-bas. Les clients, ça a été la même chose en Hollande. Dans tout ce qui est frontalier, c'est ridicule parce qu'il n'y a pas de politique européenne. Donc c'est risible. Tous les gens qui sont frontaliers, et même des gens viennent de beaucoup plus loin pour aller avoir un métier de contact, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, pour aller au restaurant. Luxembourg ferme 3 semaines après nous. OK, leur taux de reproduction du virus n'est pas le même, mais bon. ils ferment 3 semaines après nous. Qu'est-ce qu'ils font? Tous les Belges y vont. Puis après, hop, le taux augmente à mort. Ben, c'est les Belges qui ont augmenté le taux là-bas. C'est clair. Donc il faudrait une politique européenne déjà, parce que l'Europe, ça doit servir à ça. Alors ok, peut-être tout le monde n'est pas au même niveau, au même taux de reproduction du virus en même temps. Mais si on avait déjà une politique européenne qui serve à quelque chose et qui applique les mêmes mesures partout, on éviterait déjà toutes les frustrations psychologiques des gens. Si on expliquait aux gens, voilà, on va fermer tout pendant un mois, mais tout, vraiment tout. Tout le monde bouge plus, tout le monde reste à la maison. Comme le premier confinement. Ouais, pire, plus fort. Moi, je suis prêt. En octobre, j'aurais été prêt à le faire plus fort encore. Alors, le système est mort, si, enfin, non. Non, parce que c'est court. Parce que c'est court. Si on ferme un mois tout, comme en France, qu'on avait une heure par jour pour aller faire ses courses ou aller faire un tour dehors, et que tout le monde reste à la maison, il n'y a plus de circulation du virus. Mais ce que je veux dire, pendant que toi, tu appelles ou tu vas faire tes courses pendant une heure, il y a des gens qui font tourner le... Il y a des gens qui se lèvent tous les matins, qui continuent à bosser, à remplir les rayons. Ça représente quoi, ces gens-là, par rapport... Justement, j'ai pas de notion, mais il y a quand même... Ce sera certainement plus simple de gérer... ce flux de personnes-là, que devoir gérer une population qui part tout azimut dans n'importe quel sens. Et surtout, c'est ce que je voyais aussi, tiens, on autorise à partir en vacances au mois de décembre, mais quelle aberration, pendant que nous on est fermés avec tous ces cons, et je m'excuse du terme, tous ces cons qui, je vais en vacances à Tignes, je vais en vacances ici, je vais aller en vacances au ski, mais c'est super. Et ouais, t'as pas pu aller en vacances. Non, j'ai plus les moyens. Non, mais. Oui, à jambes. Je te kiki, mais évidemment. Non, mais c'est même pas ça, c'est juste être responsable. Dire, tiens, cette année, je fais l'impasse sur mes vacances, comme ça, parce qu'ils ont sorti quand même un chiffre qui est de 70%, 76% d'augmentation des contaminations à Bruxelles dû au retour de zone rouge. Mais ça, j'avais pas besoin d'être expert pour le savoir déjà. Ça, tout le monde. Mais alors pourquoi est-ce qu'on autorise? Nous, ça ne fait que retarder notre échéance. Nous, au plus, on laisse des libertés de ce type aux gens. Alors, je dis pas qu'il faut être un État dictateur et tout. Oui, arrêter tout pendant un mois, comme le disait Marc, pendant un mois, et juste gérer le flux de personnes qui travaillent dans vraiment essentiel et vraiment à la base l'alimentaire, la distribution peut-être de courriers, ça c'est essentiel, mais vraiment le strict minimum. De l'emploi. Et ça, on aurait pu très, très bien gérer, on aurait pu distribuer à ces gens des milliers de masques, des millions de masques, parce qu'on en a eu bien assez, pas tout un moment, mais voilà, pour toute la population, c'était... Et on reste tous chez soi, et il y a une personne du ménage qui va faire ses courses, et ça dure un mois, mais pendant un mois, on bloque l'économie, mais pas pendant un an, pas pendant 2 ans pour certains. Là, je suis occupée à comprendre votre réalité, en fait, tu vois, parce que je l'aborde. Mais en fait, ce que je comprends, c'est qu'au plus... tout ça est retardé. Vous êtes grillé, vous attendez, renfrognez votre colère, mais vous trouvez, ouais, vous en voulez limite aux autres aussi, parce que les choses se passent, enfin, c'est décalé, quoi. Il y a quelque chose aussi comme ça dans l'air qui fait que vous pouvez en vouloir à votre voisin qui il s'est cassé tout pendant 2 mois, là il revient, c'est ça aussi, hein. Je me suis fait la réflexion, j'avais un gars que je connais sur Facebook tout à l'heure, je le vois, ah, après 5 annulations, enfin nous voilà repartis pour notre petit coin de paradis. Yes, bar en vacances, j'ai envie de dire, espèce de con. Je veux dire, ça a été annulé 5 fois. Sur la 6e, c'est qu'il y avait une raison quand même. Je veux dire, t'es content de partir là. Enfin, c'est vrai que c'est dingue. Mais oui, mais c'est là le décalage, quoi. Donc, nous, en attendant, merci, grâce à toi. J'aurais dû lui répondre ça d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Ah, ben en tout cas, merci, grâce à toi, ma réouverture va être reportée d'un mois en plus. Super. Voilà, c'est con. Mais si on avait tous un petit peu de conscience. Et on peut pas en vouloir à son voisin. On en veut directement parce que le monde est comme ça et parce que les réseaux sociaux font en sorte que. Mais il y a quand même des autorités au-dessus qui auraient pu gérer le... Bien vu, ça, oui. C'est vrai que c'est gérer, ça qui se passe. Au désolé, fond. Ils auraient pu gérer le truc. On bloque, on cale les frontières, on pète les frontières, à part pour de l'économie réelle et pour vraiment du transport de matos important. Sinon, on bloque les frontières. Il n'y a personne qui va en vacances. Eh bien, tu ne vas pas voir ton cousin qui habite dans le sud de la France. Ce n'est pas grave. Bon, après, s'il décède l'année prochaine, ce n'est pas de chance. Pour le coup, bon, vraiment, mais non. Mais voilà. En même temps, c'est une réalité, hein, les gars, on se marre tous, mais c'est comme ça, quoi. Je veux dire, on bloque une bonne fois pour toutes, et puis après, basta. Et puis ça permettra à tout le monde d'être... Il va y avoir des plus gros soucis, hein. Il y a des gens qui vont péter plus de câbles. On est vraiment à l'aube, parce que moi, je vois sur Facebook, je sens la tension monter sur les réseaux sociaux. Des groupes qui se créent Je ne parle pas du nôtre, parce que le nôtre, c'est juste pour vraiment relayer de l'information. On essaie d'avoir l'information avec le plus de véracité possible. Mais il y a vraiment, une montée de tension avec... Mais surtout, on commence à rentrer dans du communautaire, dans du politique, dans du... Eh oui, et j'ai même vu passer des trucs du style... Tu veux dire quand tu dis communautaire ? C'est ce que je voulais dire. J'ai même vu passer complot, truc islamiste. J'ai lu ce mot islamiste, j'ai dit... Eh les gars, on parle d'un virus qui vient apparemment de Chine. Donc bon, après, ils ont aussi une communauté... musulmane là-bas, mais ça n'a rien à... Je dis, mais les gens deviennent fous. Mais au plus on attend, c'est une cocotte minute. Il y a un moment, ça va exploser. Et au plus on devient fou, et au plus on va laisser la parole, et au plus on va se laisser. On va plus laisser la parole à des fous. Et on va se laisser imbriquer dans ce côté théorie du complot, parce qu'on va tellement ruminer. On sera là, à ruminer, qu'on va se dire, apparemment, scientifiquement, c'est pas bon. Apparemment, ça, c'est pas bon. Tu sais quoi, à mon avis, ça a été créé par un groupe chinois islamiste, dans une cave. Mais non, mais il y a des gens qui vont finir par réfléchir comme ça, et qui vont se faire entendre. Qui réfléchissent déjà comme ça. Et qui vont se faire entendre. C'est-à-dire, ça va être un complot sur le... Ça va être complotiste à crever. Donc... Laissez-nous bosser, laissez-nous gérer les clients, laissez-nous gérer tout ça, et vous n'aurez pas affaire à de la folie à venir, parce qu'au plus on attend, au plus la pression va être forte et elle va être énorme. Mais même c'est moi, du chantage, tu es occupé à faire du chantage. Ah oui, c'est ça, ou c'est moi qui vais finir par me retrouver dans des caves à créer des virus. Et je suis pas encore converti ni bridé, c'est pas raciste du tout. Non, mais blague à part, non, il faut vraiment que ce côté pression retombe, parce que il y a vraiment une montée en pression qui est significative, et parce qu'il y a de plus en plus de misère aussi qui chaque jour qui passe sont des faillites en plus, sont des personnes qui perdent un emploi, sont des personnes qui perdent tout, et chaque jour qui passe devient déterminant, parce que là on peut plus attendre. On n'est plus dans cette première phase où on ne comprenait pas. Où, là, on a compris, on a eu des données, on en a eu trop. On nous les a condensées, on les a entendues, on les a écoutées, on les a appliquées. Et là, maintenant, il est quand même l'heure de nous donner, de nous donner un petit peu de résultats quant à tout ce qu'on a fait, et tout ce qu'on a bien fait, et nous dire « vous avez quand même bien fait, vous avez un peu raison ». Je pense qu'ils ont... aussi, ils n'ont pas trop envie de se mouiller non plus, les politiques, en disant là on fait une connerie. C'est très difficile de se remettre en question et de revenir et dire attends, on vous a fermé, on a fait une connerie. Mais putain, je préférais entendre on a fait une connerie, les gars, réouvrez, mais tenez le protocole sanitaire, on a fait une connerie, réouvrez. Moi, je trouve que quand ils déconnent comme ça, on devrait les dégager. Allez, hop, oh, en avant, putain, hein, je vous dirai, enfin, ils sont indécrochables. Il y a quelque chose qui ne va pas non plus, parce que c'est une petite faute comme ça, ce n'est pas grave. Mais là, ça devient un gros boulet, quoi. Oui, moralement, quelqu'un comme moi, qui maintenant n'a plus d'emploi, je me réveille le matin, j'ai rien à faire, je me sens inutile. J'ai envie de pleurer. Je me suis même mis au sport. J'ai quand même perdu 5 kilos. Après. Enfin bref, blague à part, c'est dur. Ce que tu dis là, c'est super important à entendre, parce que souvent on entend ce discours de dire que les gens sont des profiteurs. Moi, donc, je suis poussé à être au chômage. Je veux travailler. Je voulais garder mon emploi. Moi, je n'ai rien demandé à personne. Bon, c'est arrivé, j'ai fait attention comme tout le monde et tout. Mais de là à perdre son emploi, être forcé d'être au chômage, et quand je vais retrouver du travail, je ne sais pas. Mais du coup, moi, je suis dégoûté, je suis déprimé, j'ai même pas de mots tellement que je suis dégoûté. Quoi. Je comprends tout à fait. En fait, il y a un côté très réducteur de se dire, putain, j'avais tout dans la vie pour être bien et réussir, et on m'a tout enlevé en un rien de temps, et je suis passé de tout, j'étais respecté dans ce que je faisais, à rien, parce qu'en fait, je suis non essentiel. En fait, tu sais quoi, c'est ce qu'on disait, t'es non essentiel. Donc, au final, tout ce que t'as construit, tout ce que mon ami Marc a construit, eh bien, tu sais quoi, c'est non essentiel, c'est de la merde ce que tu fais, c'est de la merde, Patricio, ce que t'as fait pendant 20 ans. Quoi, mais... tu penses ça? T'as un retour comme ça aussi sur ton... Mais je me dis aujourd'hui qui sont les puissants et ceux qui ont les assureurs, eux, ils s'en sortent. Je vais pas taper ou casser du sucre sur une profession, tout le monde n'est pas, mais voilà pourquoi est-ce que nous on n'a pas plus le droit de bosser que d'autres en respectant, quand on va voir son banquier en rendez-vous, il faut respecter les normes sanitaires. C'est la même chose sur des tables au resto. Ce sera la même chose. C'est exactement pareil. Sauf qu'aujourd'hui, on a été réduit à pas grand-chose. Et c'est ça qui fait le plus mal. Et c'est vraiment, franchement, c'est plus de l'ordre de la dignité. On nous a enlevé une part de dignité en disant vous n'êtes pas essentiel, vous pouvez fermer pour ceux qui le sont. Et les banques, elles doivent tourner, hein, les gars. Les banques, elles doivent faire du pognon. Hein. Les assureurs doivent faire du pognon. Hein. Et nos élites politiques aussi. Hein. Donc, vous allez fermer. Comme ça, on verra bien ce qui va se passer. Quoi. Voilà, sur tout ça. Moi, je prends un exemple qui est assez concret. C'est que, comme on est ici à Odrien, dans une commune qui est proactive, et qui essaie d'aider un peu tout le monde, et même les indépendants. Quand elle nous propose d'aller au CPS parce qu'on n'a plus assez de revenus, quand on va au CPS, on est à une table, comme dans un restaurant, à 1m50 l'un de l'autre. Donc le rendez-vous, il peut avoir lieu. On ne mange pas, c'est vrai, mais on parle. Tout le monde parle. Alors on vous propose un café. Il y a une dame qui passe avec un chariot, elle vous propose un café. Voilà, super sympa. C'est quoi la différence entre un rendez-vous au CPS pour avoir de l'aide et venir manger un burger dans le restaurant? Moi, il faut m'expliquer. Je ne comprends pas la différence. Je ne vois pas où elle est. Mais je crois que... Comment sait-on ? Marc. On l'a compris, hein, les incohérences. On peut souligner tous les détails comme ça, tu vois. C'est ça le problème. C'est les incohérences, les détails, l'absence de données scientifiques qui permettent de montrer que certains commerces, certaines exploitations, certaines manières de vivre sont non essentielles. C'est ça le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est que vous ne pouvez plus bosser, basta. Oui, et bon. Que vous ne pouvez plus bosser, pourquoi ? Parce qu'on vous considère non essentiel. Voilà. Non. Moi, je n'ai pas de problème de ne pas bosser. Je le répète, je l'ai déjà dit il y a 10 minutes, je pense. Je n'ai pas de problème de ne pas bosser si on me montre que ce que je fais est dangereux. Mais... on ne nous montre pas, et je ne suis pas convaincu. Et ici, quelqu'un qui est serveur dans l'Horeca, ici deux patrons d'un restaurant, je ne vois pas. On ne nous a rien prouvé, on ne nous a rien montré. On nous dit que la première transmission se fait à l'entreprise, ok. La deuxième en famille, ok. Et puis après, il y a quoi après l'entreprise et la famille ? Eh bien, il y a l'école, il y a les restaurants, il y a le cinéma, il y a le théâtre, il y a les musées, il y a les spectacles... Il y a tout. Il y a les filles dans les aéroports, les filles dans les magasins. Vous avez déjà vu Rue Neuve pendant les fêtes ? C'est un scandale. C'est un scandale. Hein. Je veux dire, les gens, 1m50, mais c'est une blague. Ils sont tous les uns contre les autres pour aller chez Primark. Hein. Ils s'en foutent, les gens. Ils veulent juste acheter un t-shirt à 2 €. Quoi. Il n'y a plus de virus qui compte. Quoi. Business. Mais là-dedans, si je comprends bien, vous avez tous un cacheton. Donc vous n'avez pas rien pour vivre. Mais c'est le goût de la vie à laquelle on touche pour vous, quoi. C'est-à-dire, c'est le relationnel. On n'a pas rien pour vivre. On n'a pas rien pour vivre. Jusqu'au moment où on va payer pour ce qu'on a aujourd'hui pour vivre. Parce que ce qu'on a aujourd'hui pour vivre, on payera pour. On payera ça, pour. On ne reçoit pas comme ça du ciel. Hauteur. D'ailleurs, j'ai eu les infos de la Fédé. Le droit passerelle sera taxé de toute façon en personne physique, toi. 16,5% pour ta part, par exemple, Marc. Nous qui sommes en société, on sera taxé à 20% si on ne sait pas verser de salaire durant ces mois-là. Si on sait verser un salaire durant ces mois-là, ça peut monter jusqu'à 50% de taxation. Donc sur un droit passerelle. Et alors, ce que tout le monde oublie aussi, et ça il faut le dire, c'est important de le dire, le droit passerelle, c'est une chose. Ah oui, 2 500 € droit passerelle. Waouh. Par mois ? Oui, par mois. C'est énorme pour une personne. On est bien d'accord. Non, mais là, c'est pour votre société. Non. C'est par mois. Par mois, par personne. 1230, moi. Hein. J'ai pas 2500, j'ai 1230. Bah, hein. Je passe de 9 000 € par mois de salaire à 1230. Hein. Nous, on a le double droit passerelle à hauteur de 2 500 € par mois. C'est beaucoup d'argent, on est bien d'accord. Un salaire de 2 500, il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, c'est une minorité qui a ça par rapport. Mais comment ça se fait que vous avez ça ? On a ça parce que c'est l'Horeca. Mais par contre. Ils nous ont quand même dit que tout ce qu'on toucherait, ils le récupéraient d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Non, ils n'ont pas dit, c'est induit. Moi, ils l'ont dit quand je les ai eu au téléphone. Quand j'ai demandé mes droits passerelle, ils m'ont quand même dit tout ce qu'on vous donne maintenant, on le récupérera d'une manière ou d'une autre par après. Ouais, ça c'est. Et le souci, c'est ce que je dis. C'est bien d'avoir un droit passerelle. Il faut quand même se projeter, ça doit être au-delà de ça. C'est une société. On a une société qui générait X milliers d'euros par mois, admettons. Aujourd'hui, on a reçu... Je ne veux pas trop dire le... Non, je ne veux pas parler de... En gros, ça tournait pour... Voilà. Ça tournait pour... Ça tournait très bien. Et puis, on se retrouve à chuter à quoi à chuter de 80% de chiffre d'affaires. Et on nous donne d'aide. C'est ce qu'on a reçu ici en région bruxelloise. On a reçu 7000 euros sur les deux confinements. 4000 euros le premier, 3000 euros le second. Il faut savoir, ça je peux en parler, le loyer ici est de 2700 euros par mois. Donc, 3 loyers, je ne paye pas avec les 7000 euros d'aide que j'ai reçus en un an. Donc, ça veut dire que le droit passerelle, c'est à nous de devoir réinjecter dans la société pour que la société se porte bien, pour être sûr de pouvoir l'assumer derrière. Ce droit passerelle, il n'est pas pour nous vivre la grande vie, il n'est pas pour nous se dire, tiens, à Noël, on va faire des cadeaux de fou. Non, c'est pas ça. Ce droit passerelle, c'est une goutte d'eau. Et en plus de ça, quand on apprend qu'il va être taxé à hauteur de 20% si on ne sait pas déclarer de salaire, mais si on ne se déclare pas de salaire, le souci, c'est que les cotisations sociales, ça devient plus compliqué. Et donc, on cotise moins. C'est un engrenage. C'est un engrenage. Il aurait fallu que toutes les régions, parce qu'il faut savoir qu'en Flandre, eux ont bénéficié d'une vingtaine de milliers d'euros de primes. Nous, ici à Bruxelles, on est les moins bien lotis, c'est 7 000 euros. En Wallonie, c'est 10 000. En Flandre, ils recevaient par jour de fermeture 160 euros. Ici à Bruxelles, rien. Pour l'ORECA, ça, hein, tu décris pour ça. L'ORECA. Pour l'ORECA. Donc, moi, je connais, je ne citerai pas de nom, rien. J'ai eu vent d'une sandwicherie qui, eux... Mais non, c'est... J'ai eu vent, attention. J'ai entendu parler de... Une légende raconte que... Qu'une sandwicherie, apparemment, oui, dans une chair, avec des chiffres. Bravo. C'est pas moi qui l'ai dit cette fois. Et qui disait, mais moi, comme ça, en Flandre, à 160 euros par jour, plus mon droit passerelle, plus les apports que j'ai en Flandre, mais moi, on peut rester fermé comme ça des années, je m'enrichis. Donc ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, ça devrait être calculé au mètre carré, ça devrait être calculé aux clients qu'on avait, ça devrait être au chiffre d'affaires. Eh bien, justement, maintenant, ce qu'ils ont dit, parce que le droit passerelle ORECA est étendu de janvier à février, le double, mais celui de mars va être basé sur deux piliers. Ils appellent ça deux piliers. Le chiffre d'affaires et fermeture ou non, TQE ou non. Donc ça, ça va être le droit passerelle de mars. Il va être calculé là-dessus. Voir un petit peu ce qui va en sortir. Mais parce qu'apparemment, au mois de mars, il parle quand même d'une réouverture. Donc ça, j'ai appris ça ce matin. Mais avec je t'ai pas dit, ça marque une réouverture avec le couvre-feu encore d'application. Donc ça va être très drôle. Et on va devoir fermer à 22h. Donc, comment je fais pour vous mettre dehors à 22h, tu vois ? Les gens doivent être à 22h à la maison, donc tu dois fermer avant. Tu dois fermer avant. En soi, moi je peux faire à 22h. C'est le principe que le takeaway maintenant. Ouais, tu peux pas aller livrer un burger à 22h10, quoi. Donc non. Ton chauffeur, il est pas censé être dehors à 22h10. Ouais, c'est ça, en soi. Voilà. Donc voilà, c'est plein d'inepties, plein de C'est de la folie ce qui se passe. En fait, il y a tellement de... C'est ce que je dis, il y a tellement de sons de cloche qui nous viennent de partout. Pour ça qu'aujourd'hui, ce matin, je me suis dit, je vais téléphoner à la Fédération Bruxelles ORECA pour avoir vraiment un condensé de ce qui est réel. Parce qu'il y a avoir plein d'informations. On a parlé d'une manifestation le 16, ici, samedi. C'était samedi, hein, ouais, samedi ou dimanche. Ben, apparemment, c'est une manifestation qui n'est pas encadrée. Une manifestation le 16 janvier ? Il parle de ça. Il parle de ça. C'était quoi ? C'était quelle place ? Place Albertine. J'ai pas compris qui. C'est le secteur non essentiel qui fait une manif ou c'est ça ? On sait pas trop parce que c'est pas encadré en fait. C'est pas quelque chose de. C'est quelque chose de plutôt spontané. Ils ont fait tourner une circulaire sur Facebook. Place Quand Albertine. Tu dis ils, c'est ce groupe-là. Quoi. Ils, non. On dirait que c'est ils, le gouvernement. Ils, c'est non, c'est pas la fédération. La fédération. Non, c'est les non essentiels. C'est quelqu'un qui a quelqu'un. Je pourrais pas dire qui. Et qui, voilà, place Albertine, il y aurait une manifestation prévue le 16 janvier pour les non-essentiels. Mais je ne suis pas partisan de ça, et c'est ce dont je parlais ce matin avec la Fédération ORECA qui disait le problème de ce genre d'action-là, c'est qu'à un moment, ça devient trop politisé, et que des groupes comme le Vlaams Belang, comme des groupes plus extrémistes, se joignent à ça pour choper du partisan et dire « nous, on va vous aider ». Et donc, nous, ce n'est pas le trip. Nous, l'idée, c'est quand même de s'en sortir et c'est vraiment de pouvoir retravailler sans qu'il y ait tout ce côté politique, je parlais de communautaire tout à l'heure aussi, on peut vite tomber dedans aussi. Hein. Il suffit que sur un rassemblement comme ça, il y ait un communautarisme qui se crée et qui embrigade toute. Voilà. C'est quel genre de communautarisme tu parles, toi ? J'ai pas de genre, mais je viens demain en disant, ben moi je vous promets que moi, avec ma bonne parole, on va faire que. Et puis j'extrapole énormément. Ah ouais, le mot communautarisme, oui. Une idéologie ramenée. On se retrouve vite à blâmer des non-responsables, à blâmer, à dire, ouais, mais regardez, tous ces gens-là, ils peuvent bosser. Les Flamands peuvent, les Wallons ça, les Flamands ça, les Bruxellois. Non, on parle d'unité, là. On parle de peu importe que les Flamands aient pris 20 000 euros, que nous, on ait pris 7 000. Là, on parle quand même d'une ouverture et d'exercer notre profession. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut prendre contact avec les bonnes personnes. Il faut s'adresser aux bonnes personnes. Écouter plusieurs sons de cloche, c'est bien pour se faire, pour avoir un bon esprit critique. Mais il faut toujours vérifier ses sources et se dire, tiens, voilà. Bon, aujourd'hui, quand j'ai appelé la Fédération Eureka, ils m'ont dit ce qu'il en était. Ils m'ont expliqué ce qu'ils avaient prévu. Et ce qu'ils ont prévu n'a rien à voir avec des actions spontanées de personnes qui vont manifester, parce qu'on peut vite tourner dans le trip de casse et des gens qui vont aller casser, qui vont aller... On ne se fera pas entendre comme ça. Mais tu es d'accord que ça, c'est l'aspect un peu négatif que tu donnes, parce qu'il y a aussi les gens qui peuvent montrer leur désaccord, qu'ils en ont marre et qui se mettent dans la rue en avant. C'est quelque chose de spontané. Je pense aux gilets jaunes. Ils n'ont pas attendu qu'on leur dise d'aller dans la rue. Ils en avaient ras la casquette. D'accord, quoi. Mais les gilets jaunes, il y a eu combien de vidéos ne sont pas parues sur les gilets jaunes où il y a eu des excès, où on voyait des gens cassés, où on voyait des gens... Ça, c'est les images de la télévision. Crois-moi, moi, j'ai vraiment planché sur ce... C'est vraiment l'image qu'on a voulu. On a voulu casser leur image, quoi. Mais je pense qu'une manifestation et le fait de se faire entendre doit quand même être encadré. Alors, il ne faut pas pour autant courber les chines face aux politiques. Il faut se faire entendre. Mais on a... courber la Chine, excellent. Courber la Chine, excellent. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Bonne soirée. mais il faut pas. J'ai plus envie de le dire maintenant. Non, mais voilà, c'était juste pour dire qu'il n'y a pas forcément, c'est pas forcément une sale image que les gens se prennent en main et que ce soit spontané, se disent allez maintenant on va dire notre désaccord, parce que pour le moment il y a encore même la culture, hein. Oui, il y a des pétitions, oui, ça se passe sur les plateaux de télévision. Moi j'ai un peu suivi le truc au début, mais il y a rien de... Ou alors, tu sais, ils font des actes symboliques. Des pétitions, oh. T'as déjà vu une pétition ? Excuse-moi, des pétitions, j'en ai signé... En rentrant bourré à 2h du matin, j'en ai signé plein, des pétitions. Je suis même sûr que ma femme m'en a fait signer aussi. Mais des pétitions, t'en as déjà vu beaucoup aboutir. Je veux dire, à un moment, les pétitions, c'est bien, mais il faut des vraies actions. Alors, je dis, il ne faut pas casser. Quand j'entends qu'ils vont manifester devant chez Decroix, les coiffeurs avec leurs panneaux, on n'est pas content. Ben, tu l'empêches juste de dormir, il s'en fout. Il touche toujours 12K par mois. Et il n'en a rien à foutre. Hein. Mais ça fait du bien. Moi, je trouve que ça fait du bien qu'il y ait quelque chose dans l'air, quand même, d'un peu rebelle. Quoi, d'un peu, oui, d'un rebelle, peu pas d'accord. Ouais, c'est un mauvais mot, le rebelle, parce que on va récupérer le truc. Non, mais rebelle à 500, c'est nul. Mais rebelle à 15 000 autour d'une réelle idéologie et vraiment d'un... il faut s'axer sur ce qu'on veut. Il ne faut pas partir dans le trip de... Comme je dis, voilà, il faut qu'il y ait une unité autour de ce combat et pas qu'on se dise « Pourquoi en Flandre, ils ont eu ça ? Et pourquoi en Wallonie ?» Oui, c'est pas juste. Mais c'est pas juste. Mais par contre, aujourd'hui, on se bat pour réouvrir nos établissements. Ce que les Flamands ont eu, on ne l'aura pas. De toute façon, on ne va pas se battre pour quelque chose qu'on n'aura pas et qu'ils ont eu. Hein. Ça ne sert à rien. C'est comme si tu n'avais pas reçu le bon cadeau de Noël à Noël et que là, au mois de février, tu dis « Oh putain, j'ai pas reçu le bon cadeau de Noël, je vais militer pour ça maintenant, je vais me battre pour l'avoir maintenant. » Non, c'est trop tard. Tu l'auras l'année prochaine, on verra. Mais en attendant, fais en sorte que ça arrive. Donc, fais en sorte de pouvoir réouvrir ton resto. Fais en sorte Il faut qu'il y ait une unité et il faut qu'il y ait vraiment une cohérence dans l'action. Donc voilà, autant vaut mieux générer une manif de 20 000 personnes militant pour un côté unitaire en se disant on marche ensemble, on proteste ensemble pour la Belgique, mais pas pour ci, pour ça. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que je pense que via toutes leurs normes, tout ce qu'ils nous disent tout ce qu'ils nous balancent comme information, eh bien, ça nous divise un peu. Le gouvernement, ça ? Le gouvernement, les scientifiques, enfin, il y a un peu de tout. Il faut vraiment prendre les informations, faut vraiment aller à la base des choses. Il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et arrêter de se formaliser avec ce que j'en vois sur le groupe. On a créé un groupe qui s'appelle Pour la réouverture dans les plus brefs délais des non-essentiels. J'ai lu ça au mois de février, j'ai entendu. Le 1er février, il y a un groupe comme ça qui s'est créé. Réouvrons quand même le 1er février les non-essentiels, vous n'avez pas entendu ? Ça, c'est un peu facile. Hein. C'est des choses que, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça, qui veulent faire ça, mais est-ce qu'ils vont le faire ? On ne sait pas. Si on prend Bruxelles, il y a 19 communes. Il y a 6 zones de police, si je ne me trompe pas. Dans les 6 zones de police, chaque soir, il y a 2-3 patrouilles de police qui fonctionnent. Bon, il y a 1500 restaurants à Bruxelles, si je ne me trompe pas. Si tout le monde décide de réouvrir le 1er février, qu'est-ce qui va se passer ? Avec 18 ou 20 voitures de police, ils vont fermer 20 restaurants sur la soirée, quoi. Et tous les autres vont rester ouverts. Ça, ça s'appelle une désobéissance publique. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je pense que si les gens se mettent ensemble, il y a moyen d'arriver à quelque chose. Mais ça ne va pas dans le sens de la bonne gouvernance, dans le sens du bon citoyen, des choses comme ça. Je ne prône pas ça. Je dis que si ça se passe... Parce que le groupe, il parle de ça. Il parle de réouvrir, comme en France, le 1er février. Voilà. Donc, tout le monde ouvre. Et on s'en fout. On verra bien ce qui se passe. Il y a aussi cette idée-là en France ? Oui, bien sûr. Oui. C'est débile, ça. Enfin, excuse-moi, c'est parce que j'ai eu le gars de la Fédé Horeca qui disait qu'il n'était pas du tout raccord avec ce truc-là. Parce que justement, là, on va tout bloquer, là. Dans ton sens, de dire que ce n'est pas nécessaire d'arriver à des extrêmes comme ça. Mais pour l'instant, il y a plein de gens qui parlent de ça. Moi, je n'ai pas de Facebook, j'ai aucun réseau social, j'ai rien. La désinformation fait que ça fait place à une information négative. Rien de constructif. Nous, ce qu'on demande, c'est des dates, des protocoles, de savoir pourquoi, comment, pourquoi on est fermé, quand on peut ouvrir, et voilà, et pas arriver à des extrêmes comme ça. Mais il reste une minute. Mais en gros, moi, je comprends votre position, elle est beaucoup plus... Mais imaginez qu'il y a des gens, ils sont dans la galère, ils en ont marre. Vous voyez, il y a peut-être aussi différentes... il y a différentes visions. Il y en a qui n'en peuvent plus, qui doivent... Peut-être les gens ne vivent pas de la même manière. Quoi. Vous avez une aide, mais je ne sais pas cette aide, comment elle est... Moi, j'ai un exemple très complet, madame. Comment elle est... Vous voyez, vous avez des aides financières, mais peut-être des gens, ils n'ont pas... C'est pour ça que je vous ai dit tantôt qu'on était des privilégiés. Parce que malgré qu'on est dans la merde, on est des privilégiés. Ma femme de ménage, depuis que les titres de service sont entrés en vigueur, je la payais en noir avant, comme tout le monde. Ben oui, parce qu'il n'y avait pas d'autre statut. On paye les femmes de ménage en noir. Depuis qu'il y a les titres de service, je l'ai toujours payé en titre de service. N'ayant plus de revenus, je lui ai dit, tu viens plus. Je sais pas te payer. Eh bien, maintenant, elle est tellement dans la merde, parce que 70% d'un titre service, d'un salaire en titre service, ça ne fait pas beaucoup. Elle m'a dit, je viens chez toi pour 5 euros par heure. 5 euros par heure. Elle est polonaise, elle travaille chez moi depuis 5 ans. C'était combien sinon ? Tu dis, hein, si tu ne veux pas répondre. Non, je n'ai pas de problème. Le titre service, c'était 9 euros, jusque maintenant. Je sais qu'il y a une loi titre service, donc elle touche plus que ce qu'on les paye. Il y a une aide de l'État par rapport à ça. C'est un système qui était assez bien fait. Elle m'a dit maintenant, il y a plein de gens qui ont peur que je vienne, donc ils ne veulent pas que je vienne. Et en plus de ça, il y a moins de travail parce que les gens ont moins d'argent, donc ils ne me prennent plus. Donc je viens chez toi pour 5 euros de l'heure. Ben, cette situation, ça crée quoi ? Ça crée un nouvel esclavagisme. Esclavagisme. Et je lui ai dit, écoute, si tu viendras chez moi, c'est quand j'aurai de l'argent et je te paierai 10 euros de l'heure en noir comme avant. Mais je ne te paierai jamais 5 euros, je ne suis pas un esclavagiste. Eh bien, le gouvernement, il ne pense pas à ces gens-là. Il ne pense déjà pas à nous, qui avons des professions bien reconnues et encadrées. La leur avait l'air d'être encadrée aussi. Il y avait une loi qui les protégeait. Ils avaient un 13e mois, congé payé, ainsi de suite. Ça a marché pendant 5-6 ans ou 10 ans, je ne sais plus exactement. Maintenant, cette fille, elle me dit, je viens chez toi pour 5 euros de l'heure. 5 euros de l'heure. On n'est pas en Inde, hein. On n'est pas au Pakistan, hein. Voilà, et ben c'est scandaleux. Et ça, personne n'en parle, personne ne dit rien. Voilà. Est-ce que ce serait les mots de la fin ? Vous avez envie de... C'est terminé ? Je n'ai pas beaucoup de mots de la fin, si ce n'est, prenez tout soin de vous Et n'oubliez pas que les restos existent et dès que ça réouvre, vous courez. Le point de fin, c'est de faire confiance aux professionnels qui mettent en application ce qu'on leur demande de faire. Exactement. Et qu'on est des gens responsables et qu'à partir du moment où on nous dit de fermer pour des raisons valables, réelles, concrètes, on fermera et on fera le gros dos. Mais nous faire fermer comme ça, sans explication, sans savoir pourquoi. Puis réouvrir, puis fermer. Puis voilà. C'est ce qui doit. Ça vous a foutu deux boeufs, quoi. On est des pantins, on est des pantins. Et moi, je veux qu'on me dise tu fermes parce que tu contamines, parce que c'est dangereux ton secteur. Ok, j'accepte. On ne sait rien, on ne nous dit rien. Il n'y a aucune preuve scientifique, aucune étude scientifique. Moi, je m'excuse, je reviens à mon exemple de tout à l'heure. 2000 personnes qui sont entassées les uns sur les autres à Charleroi, à l'aéroport, pardon, est-ce que c'est plus dangereux ou moins dangereux que 40 personnes dans cet établissement assis gentiment à leur chaise? Voilà, la question elle est là. Et tu les as vus, ces gens, dans un aéroport, les uns sur les autres? C'est pas, il n'y a pas que moi qui les ai vus, c'est passé au journal parlé. Ils s'en sont offusqués, les journalistes s'en sont offusqués eux-mêmes. Hein, donc, il n'y a pas de règles de distanciation et compagnie et machin? Aucune, puisque l'ombudsman. Ils sont dans l'avion, il y en a. L'ombudsman qui gère les aéroports s'est fort fâché à la télévision en disant « je n'accepte pas, je vais porter plainte contre l'aéroport de Bruxelles, de Charleroi, ils ne gèrent pas du tout les distanciations sociales, ils s'en foutent, tout ce qui les intéresse c'est de faire décoller leurs avions ». Moi je suis un simple spectateur, je n'ai pas d'avis, je vois simplement que les gens s'agglutinent dans les aéroports quand ils partent en vacances, bon ce n'est pas le cas aujourd'hui mais c'était le cas pendant les vacances de Noël. Et que nous, à 40 personnes ici, avec des panneaux de séparation, avec du gel, avec le fait qu'on ne peut pas se lever, ben je veux dire, c'est quoi la différence? Qui est plus dangereux, quoi? Qui est plus dangereux, quoi? Ouais.